écoute, c'est DJ Defkia qui mixe pour toi. On était jeunes, on était cons, on sentait bon le sable chaud. On traînait torse nu sur les plages, regard perdu vers le large. Petite racaille au visage d'ange, j'ai bien souvent été un diable. Mais j'ai fait ce qu'il fallait pour m'en sortir, une vie instable. Une mère perdue, un père foyer, une famille à l'abandon. Mes potes sont qui comptent et c'est tout ce qui compte et c'est ce qui est bon. Toujours des vieux souliers troués, les concours de mocage. Dans votre vie, du terre aride, une putain de vie qui nous rembarque. Je suis dressé à une époque où les bandits avaient des rêves. Mais tout se perd en ce bas monde, mes souvenirs c'est ce que je lève. On était des petits merdeux et on voulait faire les vaillants. Le coin du nez, on rêvait déjà d'argent. J'ai vu ma mère chialer quand à la son y avait plus rien. J'suis devenu trop vite un homme à cause des coups du quotidien. Le manque d'amour, un monde amer. J'en veux à mort, à toi mon père. Enfant de Marsilia, enfant d'ici ou d'ailleurs. On a tous un passé lourd, on veut soigner nos douleurs. On voulait faire les grands et on se prenait pour des géants. Mais en fin de compte on était juste des gosses, juste des gosses. Enfant de Marsilia, enfant d'ici ou d'ailleurs. On a tous un passé lourd, on veut soigner nos douleurs. On cherche à faire passer le message derrière nos yeux remplis de rage. Malgré tout ça, on reste pas juste écosse. J'avais une putain de grande gueule, franchement je méritais des chiffres. Mais j'étais un bon cas d'enfant, jusque mon cœur était captif. J'ai marché sur des chemins glissants, ne sachant où aller. J'ai eu vraiment du cul, aujourd'hui je le sais. Certains d'entre nous ont mal tourné, j'ai perdu beaucoup de potes. Quant à ceux qui sont restés, notre amitié a pris la porte. J'ai vu trop d'horreurs dans les rues, trop de gens rouler dans le caniveau. J'ai vu une nouvelle pleurer sa sœur seulement à travers les journaux. J'suis devenu un mec sympa, avec le temps la vie nous place. Parfois ça m'arrive d'oublier ces années passées à la date. Mais ce que j'oublierai jamais, c'est qui je suis et d'où je viens. Tout votre argent ne me rendra pas une vie volée à coups de poing. Si vous me croisez dans les rues, n'hésitez pas, venez me voir. Si vous voulez, je vous raconterai juste un petit bout de mon histoire. Je reste simple, je suis sincère, pour moi je serai jamais une star. Mon truc c'est la musique, en thérapie et en espoir. Enfant de Marsilia, enfant d'ici ou d'ailleurs. On a tous un passé lourd, on veut soigner nos douleurs. On voulait faire les grands, et on se prenait pour des géants. Mais en fin de compte on était juste des gosses, juste des gosses. Enfant de Marsilia, enfant d'ici ou d'ailleurs. On a tous un passé lourd, on veut soigner nos douleurs. On cherche à faire passer le message derrière nos yeux remplis de rage. Malgré tout ça on restera juste des gosses. Quand je nous vois, je sais ce qu'on est, qu'on fasse les tendres ou les voyous. Mec à la masse, on voit de la tasse, cause de l'ombre ou seulement fou. J'ai trop d'amour quand je vous croise, comment vous dire que je vous aime. On est tous beaux car la douleur a fait de nous des gens qui saignent. Qui tracaillent en fond de la rue, cause de l'ombre ou mauvaise herbe. Qu'importe que le temps passe ou ce que l'avenir nous réserve. On a tous notre histoire, notre façon de voir les choses. Mais en fin de compte, on restera juste des gosses. À ma tante, qui a vu son fils partir trop tôt. À tous ceux qui ont vu leur vie bouffée par le ghetto. À tous mes amis perdus, à tous ces moments gâchés. À ces gens de merde qui m'ont déçu, qui sachent que je vais rien lâcher. Je ferai tout pour m'en sortir, j'ai tant d'énergie pour ma cause. La fête et ses ravages, à mon âge j'en ai ma dose. J'ouvre le chemin sans me retourner, car j'ai fait le choix de vivre. Ma chance je vais la prendre, et putain qui m'aime me suivre. Alpha Musique. Ouais, à qui le juste les boss. C'est sur Marseille, Selecta. Si. Enfant de Marsilia, qu'importe que les années passent, qu'importe les douleurs et les larmes, faut faire que le temps s'efface. Prenez un peu de plomb dans la tête, lâchez les lames et les crosses. Ça devrait être mieux pour rester juste des gosses.